Le lendemain, Rastignac fut éveillé sur les 2 heures après-midi par Bianchon, qui, forcé de sortir, le pria de garder le père Goriot, dont l'état avait fort empiré pendant la matinée. Le bonhomme n'a pas de jour, n'a peut-être pas 6 heures à vivre, dit l'élève en médecine. Et cependant, nous ne pouvons pas cesser de combattre le mal. Il va falloir lui donner des soins coûteux. Nous serons bien ses gardes-malades, mais je n'ai pas le sou, moi. J'ai retourné ses poches, fouillé ses armoires, zéro au quotient. Je l'ai questionné dans un moment où il avait sa tête. Il m'a dit ne pas avoir un liard à lui. Qu'as-tu, toi ? Il me reste 20 francs, répondit Rastignac, mais j'irai les jouer, je gagnerai. Si tu perds, je demanderai de l'argent à ses gendres et à ses filles. Et s'il ne t'en donne pas, reprit Bianchon, le plus pressé dans ce moment n'est pas de trouver de l'argent. Il faut envelopper le bonhomme d'un sinapisme bouillant depuis les pieds jusqu'à la moitié des cuisses. S'il crie, il y aura de la ressource. Tu sais comment cela s'arrange. D'ailleurs, Christophe t'aidera. Moi, je passerai chez l'apothicaire répondre de tous les médicaments que nous y prendrons. Il est malheureux que le pauvre homme n'ait pas été transportable à notre hospice. Il y aurait été mieux. Allons, viens que je t'installe, et ne le quitte pas que je ne sois revenu.